Le Festival de la chanson de Tadoussac, le plus grand des petits festivals. Informez-vous au 1-866-861-4108. Mis en vente sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Elle s'appelle Fillette aux grands yeux, elle s'appelle Marchand au melon, elle s'appelle Comtesse Saint-Gueux, la vie est belle sous ses jupons. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble à écouter plein de bonne musique qui est disponible en téléchargement gratuit. Donc, c'est assez simple. Si vous ne connaissez pas l'émission, vous vous rendez au www.webmusique.ca. Vous allez avoir donc la playlist de tout ce que vous entendez ce soir à l'émission. S'il y a des pièces qui vous intéressent, vous avez juste à les télécharger. Vous repérez la pièce que vous venez d'entendre et vous avez les liens. Vous pouvez donc tout télécharger de façon gratuite et légale. Cette semaine, donc, on va débuter avec Bad Gibbons. Je vous fais entendre la pièce Maythone. C'est publié sur l'étiquette Subwise. Ensuite de ça, c'est Zinat avec la pièce What the Fuck. C'est sur la compilation Balkan Dubstep Volume 1. Donc, un peu de dubstep qui nous vient des Balkans. On va débuter avec ces deux pièces-là, puis je vous reviens tout de suite après avoir entendu Bad Gibbons et Xenat. Thank you.

une excellente pièce tirée de la compilation Balkan Dubstep Unit Volume 1. Donc, c'est publié sur l'étiquette Balkan Dubstep Unit. Un excellent net label qui donne, comme vous l'avez compris, dans le dubstep. Donc, je vous invite à télécharger cette compilation-là. Vraiment excellente. C'était donc de la Bulgarie Zenat avec sa pièce What the Fuck. Avant ça, c'était de Kiev en Ukraine, Bad Gibbons avec sa pièce Methone. C'était sur l'étiquette Subwise. On va poursuivre avec l'étiquette française Fresh Pulp Records. C'est Dynasty de la Croatie. Je vais vous dire le titre de la pièce après. Je suis pas certain que j'ai pris en note la bonne pièce. Après Dynasty, c'est Karsten Pflum. C'est la pièce Coil Up Swedish Pony Riding. C'est sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings. Une autre étiquette française excellente. Karsten Pflum nous vient de l'Allemagne. Donc, on va entendre Karsten tout de suite après Dynasty qu'on écoute tout de suite. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. C'était Carsten Flum avec sa pièce Call Up Swedish Pony Riding. C'était publié sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings. Avant ça, de la Croatie, c'était Dynasty, publié sur l'étiquette Fresh Pulp Records. On va poursuivre cette fois-ci avec deux pièces tirées de l'album Un Piu Piu parmi tant d'autres d'Ala Claire Ensemble, une bande de bas canadiens. Donc, on va entendre deux pièces. On va commencer par Wow et ça va être suivi par Hustle Tar. We'll be right back.

Thank you. C'était DJ Tomahawk avec sa pièce Sambara et DJ Tomahawk qui nous vient de Munich en Allemagne. Je vous invite à vous rendre sur le site de WebMusic pour télécharger la pièce si vous l'avez appréciée. C'est au www.webmusic.ca. Avant ça, c'était Doctor avec sa pièce Sue. Doctor qui nous vient de New York. C'est publié sur l'étiquette Sirona Records. On va poursuivre avec un artiste dont j'ai absolument aucune information. Il s'agit de Tree Planetary. Sa pièce s'intitule Sex. Tout ce que je sais, c'est que c'est sur l'étiquette Vatican Records, une étiquette française. Donc, un artiste assez mystérieux. J'ai tenté de fouiller absolument toutes les internets au complet. J'ai trouvé absolument aucune information. Ensuite de ça, après Tri Planetary, on va entendre un trio. C'est composé de deux Américains et un membre qui vient des Pays-Bas. C'est Omega Dub Experience. Je vous fais entendre la pièce Urban Atmosphere. C'est publié encore une fois sur Sirona Records. Donc on écoute tout de suite Tri Planetary avec sa pièce Sex. Throughout the soundscape, a verb and atmosphere, I absorb. soar for five. Noise production is LSD. A metropolis is an experimental journey to me. On the public transportation of never-ending man-made frequencies. My lifelong activities are heard in the sounds of radioactivity throughout the soundscape of urban atmosphere. Rich man's wealth is in the city. Destruction of the poor is their poverty. Dubbing the lyric is my justice and liberty. White light and ambient, white noise and ambient light. The soundtrack, the sound of the sax is the soundtrack of the phone that keeps calling me back. A metropolis is an experimental journey to me on the public transportation of never-ending man-made frequencies. My lifelong activities are heard in the sounds of radioactivity throughout the soundscape of urban atmospheres. White noise and ambient light. The sound of the sax is the soundtrack of the phone that keeps calling me back. Metropolis is an experimental journey to me on the public transportation of never-ending man-made frequencies. My lifelong activities are heard in the sounds of radioactivity throughout the soundscapes of urban atmospheres. Urban atmosphere. atmospheres. Urban atmospheres. C'était la pièce Urban Atmosphere par Omega Dub Experience, un trio publié sur l'étiquette Sirona Records. Avant ça, c'était Triplanetary avec sa pièce Sex, publiée sur Vatican Records. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Tout de suite après, c'est la croche-oreille qui se pointe. Donc, restez à l'écoute. Une émission qui promet d'être assez intéressante. Jean-Pierre nous a concocté quelque chose autour du hockey. Vous allez voir. Restez à l'écoute. Nous, on va se quitter sur une pièce de Enleo. C'est un artiste portugais. Je vous fais entendre cette pièce Wrong Place. C'est publié sur l'étiquette Mimi Records. Une étiquette dont les gens qui s'occupent de l'étiquette sont également au Portugal et au Japon. Donc, une belle collaboration qui est Mimi Records. Plein d'albums vraiment intéressants. Je vous invite à les visiter. Donc, avant de se quitter, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusique.com. Vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. On se quitte sur Enleo avec sa pièce Wrong Place. Realize that there is no such thing as reality. We are trapped in our own imagination. We can live in a better place.